L'actualité à Nancy et ailleurs. La 7e édition de NIP, la convention jeux de figurines, jeux de plateau et jeux de société à Tomblaine va avoir lieu les 28 et 29 octobre. Pour nous parler de cette 7e édition, nous avons au téléphone Vincent Fiorina. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des Loups du Téméraire qui organisait ce rendez-vous. Un rendez-vous qui est marqué dans son nom par un peu l'histoire de Nancy. NIP, vous pouvez nous rappeler un peu ce que ça veut dire? Oui, tout à fait. Alors, on fait le lien avec déjà le nom de notre association qui est les Loups du Téméraire, donc en référence au loup qui aurait dévoré la dépouille de Charles le Téméraire lors du siège de Nancy, ce qui rejoint un peu notre activité jeu de figurines, jeu de bataille, et puis un hommage à la ville de Nancy, à cette bataille et à l'histoire, puisque NIP, c'est non inultus premor, on ne me touche pas impunément, qui a donné plus tard qui s'y frotte s'y pique, la devise de la ville de Nancy. Faites des reconstitutions de batailles sur plateau? Ça nous arrive. On a, en termes de jeux de figurines, tout un panel de jeux existants au sein de notre association. Donc, aussi bien des jeux historiques qui permettent de rejouer des batailles antiques, médiévales, modernes et contemporaines, parce qu'on a là sur le NIP, il y aura des joueurs qui vont reconstituer des batailles de la Seconde Guerre mondiale. Et puis après, on a aussi des univers médiévaux fantastiques, futuristes. Voilà, on a tout type d'univers, mais il nous arrive effectivement de rejouer des batailles historiques. Cette 7e édition, vous attendez beaucoup de monde? Sur ce week-end-là, on est généralement sur environ 200-250 visiteurs sur le week-end, essentiellement des passionnés de jeux de figurines, jeux de plateau, ou des visiteurs curieux de découvrir ce qu'on fait. Alors expliquez-nous un peu qu'est-ce qu'on va justement pouvoir découvrir lors de ces deux journées. Il y a pas mal de choses à faire sur place. Alors oui, effectivement, on a un programme très complet qui s'affine et qui s'enrichit d'année en année. Alors nous, sur le NIP, déjà, on veut vraiment mettre l'accent sur les créateurs de jeux. Donc c'est vrai qu'on aura plusieurs créateurs de jeux qui seront présents sur cette manifestation pour nous présenter les jeux qu'ils ont créés. Donc ce sera l'occasion de découvrir ou redécouvrir sur Ormundi, qui est un jeu qui a été créé par deux membres de notre association en plus. On aura aussi la personne qui gère le jeu Alchemy, qui vient de région parisienne exprès pour faire des démonstrations de son jeu, ou nos amis des Tranchées aux Barricades, qui sont deux amis spinaliens qui ont également créé leur jeu l'année dernière et qui seront présents pour nous montrer les nouveautés sur leur jeu. Ça, c'est la partie un peu découverte. On aura aussi une partie tournoi où là, on a des gens qui viennent d'un peu partout en France pour s'affronter sur leur jeu de prédilection dans le cadre de tournois. Et puis après, on a plein de stands autour de notre hobby, un stand de peinture pour soit faire des petits concours de peinture chronométrée, soit pour découvrir la peinture sur figurine pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et puis enfin, on aura aussi, nous, un concours de peinture qu'on organise tous les ans, qui est ouvert à tous les passionnés de figurines. Et puis, on demande au public de voter. Donc voilà, on a vraiment les différents aspects de notre hobby, du modélisme peinture jusqu'au tournoi. Et il y en aura du coup pour tous les goûts. Effectivement, on peut peut-être revenir sur cette initiation aux peintures sur figurines qui fait vraiment partie intégrante de la pratique des jeux de plateau, des jeux de figurines aussi. C'est vrai que c'est un des incontournables de notre hobby. Le jeu commence par l'achat, le montage des figurines et leur peinture. Donc c'est vraiment la base. Puis après, une fois que les figurines sont montées, peintes, on peut jouer avec. La peinture est pas forcément obligatoire, mais c'est vrai que c'est un gros plus et ça fait partie intégrante du jeu. Ça peut paraître compliqué, ça peut paraître un peu difficile pour quelqu'un qui ne s'y connaîtrait pas du tout. Et en fait, il existe des techniques très faciles, très rapides. On a maintenant des gammes de peinture très faciles à utiliser. On est loin des peintures sur maquette, peintures à l'huile qui existaient il y a des années, qui existent toujours d'ailleurs. Là, il y a vraiment de quoi se lancer rapidement, facilement. Et c'est vrai que sur le NIP, on aura un stand pour initier un petit peu les personnes qui souhaiteraient voir ce que ça donne. Et même, on a même des personnes qui se consacrent que à cette partie-là et qui ne jouent pas parce que le jeu ne les intéresse pas, mais qui veulent juste peindre parce qu'ils apprécient l'activité manuelle en tant que telle. Et vous nous avez dit que cette 7e édition, bien sûr, elle s'adresse aux passionnés pour découvrir des nouveaux jeux, mais aussi des personnes qui seraient peut-être un peu éloignées des jeux de plateau, des jeux de société, qui pourraient venir s'initier et découvrir, ça reste toujours accessible? Tout à fait. Alors, il y a différents espaces sur la convention. Donc, on a une partie tournoi qui est pour des joueurs aguerris, qui est sur inscription. Mais sinon, on propose vraiment des initiations à plusieurs jeux. des initiations qu'on va adapter au niveau de la personne qu'on aura en face. Donc si c'est quelqu'un qui connaît déjà un petit peu mais qui souhaite découvrir un nouveau jeu, ben là on pourra lui expliquer les règles intégralement. Si c'est une personne qui n'a pas l'habitude des jeux de figurines, on pourra l'initier de manière plus simple et il y en aura vraiment pour tous les goûts. Dès 10-12 ans, on peut s'y mettre, on peut comprendre la règle facilement, on a des règles qui sont quand même accessibles. Et en plus du jeu de plateau au jeu de figurines, on propose aussi des initiations au jeu de rôle cette année. Alors ce rendez-vous, eh bien, c'est le samedi 28 octobre, c'est de 9h à 20h, et le dimanche 29 octobre de 9h à 18h. Ça se passe toujours à l'espace Jean Jaurès à Tomblaine. Oui, tout à fait. L'association est maintenant domiciliée à Tomblaine depuis plusieurs années. Et du coup, on est à l'espace Jean Jaurès, qui est un espace qui s'y prête parfaitement bien et que la mairie nous met à disposition. On leur remercie d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment centre Tomblaine, accessible par la ligne 3 assez facilement. Il y a un grand parking devant. Donc voilà, ne pas hésiter à venir y jeter un œil. Et en plus, l'entrée est libre ? Oui, l'entrée est gratuite. On aura buvette et restauration sur place pour ceux qui voudraient passer la journée sur place. Et l'entrée est libre, bien sûr, à tous les visiteurs qui souhaitent venir découvrir nos activités. Alors, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cette 7e édition ? Nous, ce qu'on souhaite avant tout, c'est que nos visiteurs soient contents de leur expérience, que les personnes qui veulent venir découvrir puissent le faire dans les meilleures conditions et repartent surtout ravis de ce qu'ils ont vu. Hein. Nous, on veut vraiment mettre en avant ce qu'on sait faire. Donc, c'est une édition qui se passe bien, des visiteurs ravis. Et puis, si on pouvait avoir un 300 visiteurs sur le week-end, nous, on serait très, très heureux. Et bien voilà, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Vincent Fiorina. Je vous remercie. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.